Point commun, l'émission, sur Radio RGB 99.2 et RadioRGB.net. Le week-end en famille, 2. Gilbert Tsai, bonjour. Vous êtes conceptrice de petites conférences qui vont être présentées dans le cadre de la saison 2019-2020 à Point commun, la nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise. Avant peut-être de voir le programme des rendez-vous qui sont proposés au public, voire au très jeune public, ai-je lu, peut-être nous dire un petit peu l'idée générale de ces petites conférences qui sont en effet destinées aux enfants. Oui, alors c'est une manifestation en fait que j'ai créée il y a maintenant plusieurs années, c'était je crois en 2001. Je dirigeais à ce moment-là le Centre dramatique national de Montreuil. Et on m'avait confié la direction de ce centre qui était au départ un centre qui ne programmait que des spectacles à destination de la jeunesse, mais on m'avait chargé de le transformer en un centre dramatique, donc qui programme pour tout le monde. Et je voulais garder en fait une manifestation qui fasse que adultes et enfants viennent ensemble. Et j'ai eu l'idée donc de ces conférences en me disant qu'en fait, les enfants sont, à partir de 10 ans, sont très curieux, se posent des tas de questions, sont déjà des philosophes, et que très souvent, ils n'ont pas les réponses à ces questions, c'est une première chose. Et d'autre part, je constatais aussi qu'ils n'avaient, et surtout justement, puisque je travaillais à Montreuil, en banlieue, pas forcément l'occasion de rencontrer des personnes passionnées de leur métier. Et pourtant, je pense que c'est très très important en fait, dans la vie d'un enfant et dans la façon dont il va conduire sa vie ensuite, de rencontrer justement des gens passionnés. Mmh. Donc voilà, j'ai initié ces petites conférences pour lesquelles donc, je convoque les plus grands spécialistes dans chaque domaine, des gens qui n'ont souvent d'ailleurs pas du tout l'habitude de parler aux enfants, qui sont des gens qui font des conférences dans le monde entier, dans les plus grandes universités, mais donc je leur demande de venir parler de façon à ce qu'enfants et adultes puissent suivre ensemble leurs conférences. Mmh. Alors, c'est vrai que cette présentation et à la lecture effectivement de ce programme, ça me rappelait, alors sous une autre forme, hein, je ne fais pas de confusion, mais ça me rappelait un petit peu ces rendez-vous radiophoniques, je vais citer une grande sœur, France Inter, avec les petits bateaux, certainement que vous avez déjà entendu, sur France Inter, avec Noël Bréham. Oui, tout à fait, voilà. Mais donc moi, dans mon idée, c'était vraiment qu'il y ait une rencontre. C'est-à-dire que c'est vraiment, se réunir dans la salle du théâtre, rencontrer cette personne, pouvoir lui poser des questions et surtout l'écouter d'abord. Donc, puisque les conférences durent généralement une petite heure et donc les enfants prennent l'habitude, effectivement, d'écouter quelqu'un pendant une heure, que ce soit un philosophe, un scientifique, un artiste. Et puis ensuite, effectivement, ils posent leurs questions. Et alors donc, en fait, ces petites conférences sont enregistrées parce qu'elles sont pour la plupart publiées aux éditions Bayard, donc dans une collection qui comporte plus d'une cinquantaine de titres maintenant. Alors, ce public, vous le connaissez bien, justement, vous parliez de la direction du Centre dramatique national de Montreuil. Oui. Ce public, c'est un public particulier. Pendant longtemps, on le négligeait, on considérait que c'était un sous-public. Et en réalité, c'est un public qui a l'avantage, peut-être, d'être le moins formaté, le moins formaté, c'est un mot qui convient bien, plus ouvert, effectivement, à la curiosité et à l'émotion? Oui, absolument. Moi, je suis toujours frappée. Alors, à ces conférences, il faut savoir que viennent des enfants, bien sûr, accompagnés de leurs parents, mais viennent aussi des enfants tout seuls et des adultes tout seuls. C'est vraiment, généralement, on a moitié, pour moitié, enfants et adultes. Donc, la difficulté souvent des conférenciers, c'est de pouvoir nager effectivement entre les deux, c'est-à-dire que les enfants soient intéressés, mais les adultes aussi. Et c'est un exercice pas toujours facile. Mmh. Et puis, donc, je constate, alors, d'une part, ce que je constate, c'est que souvent, d'ailleurs, alors que ce sont des conférenciers qui ont l'habitude, effectivement, de faire des conférences dans le monde entier, ils ont un trac fou. Parce que c'est une chose totalement nouvelle pour eux. Mais généralement, ils sont absolument ravis quand ils en passent, quand ils ont terminé. Disons que ça les oblige, je pense, à d'une part, ils peuvent parler de tout, mais simplement, il faut effectivement que les mots difficiles soient expliqués. Oui. Il y a des exemples. Les enfants peuvent tout comprendre à condition qu'on leur donne les clés. En fait, ils apprennent des mots difficiles tous les jours, donc c'est pas un problème pour eux, mais effectivement, il faut savoir leur donner la clé. Et ce que je constate, c'est que les questions des enfants à la fin des conférences sont toujours extraordinaires. Ce sont de vraies questions, justement, oui. Parce qu'ils ont effectivement cet œil nouveau. Quand je donne la parole aux adultes pour qu'ils posent aussi leurs questions, je constate que c'est très différent. C'est-à-dire que les adultes ne posent pas des vraies questions, ils font plutôt étalage d'un savoir qu'ils auraient. Et c'est très, très frappant. Et les conférenciers donc, sont ravis de ces questions, enfin, ils sont toujours des questions très, très, très, très fines, très, très justes. Oui. C'est vrai qu'on constate effectivement que quand on entend des enfants poser des questions, parfois ça peut dérouter même, j'imagine, certains conférenciers parce qu'ils n'ont pas forcément l'habitude qu'on leur pose ce type de questions. Absolument. Alors là, pour en revenir à ces petites conférences Lumière pour enfants à Point Commins, trois conférenciers dans des domaines extrêmement différents les uns des autres. À l'occasion des week-ends en famille organisés donc à Point Commins. Oui. La prochaine conférence portera sur quel sujet ? Alors, la prochaine conférence, c'est un astrophysicien, Aurélien Baron, qui est aussi très très connu parce qu'il se bat énormément pour l'écologie et il intervient beaucoup à ce sujet-là. Mais ici, à Point Commun, il viendra intervenir en tant qu'astrophysicien parce que c'est le grand spécialiste des trous noirs. Et donc, il va venir parler des trous noirs et de l'espace-temps. Et ça, alors, j'ai constaté que les enfants sont absolument passionnés par ces trous noirs et qu'ils savent énormément de choses. Donc, voilà, c'est lui qui viendra. La prochaine petite conférence, ce sera Aurélien Barreau. Alors, ils savent à la fois beaucoup de choses et en même temps, j'imagine qu'ils ont plein d'interrogations sur tous ces phénomènes étranges qui vont au-delà des trous noirs et donc étoiles en rebond, qui est effectivement le thème proposé à l'occasion de ce prochain week-end en famille. La date, c'est pour le dimanche 12 janvier. Ça se passera à 14h30 au Théâtre 95 à Cergy Grand Centre. Alors, je vous disiez tout à l'heure que les conférences doivent cependant faire un petit effort pour ne pas être dans un jargonnage qui serait inaccessible. Tout à fait, tout à fait. Ou en tout cas, s'il y a des mots difficiles, ils doivent pouvoir les expliquer. Deuxième, autre date à retenir et surtout autre conférence qui aura lieu d'ici la fin de saison, toujours à Point Commins, dans le cadre de ces petites conférences Lumière pour enfants, c'est un domaine que nous, on connaît bien à la radio, puisque c'est un bruiteur à France Culture qui viendra animer une conférence sur le thème de récréation, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc en fait, il va venir parler de son métier et de comment effectivement il produit les sons à la radio d'une part et d'autre part au cinéma parce qu'il travaille beaucoup pour le cinéma. Et donc il va montrer, il arrive avec une grande valise avec plein d'instruments et il montre effectivement, et c'est très étonnant, comment certains bruits de à la radio, certains sons sont produits. C'est parfois très étonnant. Et il va même d'ailleurs permettre aux enfants de produire eux-mêmes des sons avec ces instruments. Il leur passe un petit film, un petit dessin animé avec les sons, et puis ensuite sans le son, et ce sont les enfants qui produiront eux-mêmes le son. Alors, qui dit conférence, il y a un moment effectivement où c'est le conférencier, la conférencière qui s'exprime face à un public, et il y a un deuxième temps où c'est un échange, un jeu de questions-réponses, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Bon, on sait très bien, ce pour assister à d'autres conférences, dans d'autres situations, que c'est pas toujours simple de poser des questions. D'abord, il y a le trac, et ensuite, on se dit parfois, on n'ose pas poser la question, parce qu'il y a du public. Est-ce qu'il y a un travail de préparation à ces conférences ? Non, mais je pense que, en fait, c'est pas tellement un problème. Si la conférence est bonne, si les enfants ont compris, les questions fusent. Il y a jamais de problème. Quand il n'y a pas de questions, c'est qu'il y a eu un problème de compréhension. Mais sinon, c'est vraiment, généralement, en plus, donc les enfants sont très heureux de prendre le micro, de poser leurs questions dans le micro. Non, généralement, il n'y a pas de problème. Donc, prochain rendez-vous, ça sera pour le dimanche 12 janvier à 14h30. La durée, généralement, de ce type de rencontre? C'est une petite heure de conférence, et puis suivant le nombre de questions, généralement, ça dure une demi-heure. Très bien. Merci Gilbert Saille pour cette présentation de ces petites conférences où on convie petits et grands, en effet, les parents et même ceux qui n'ont pas d'enfants, à pouvoir se rendre disponibles pour aller découvrir et partager ces moments de rencontre. Merci à vous. Tout à fait, merci.